première fois que je l'ai vue, c'était dans un café. Je savais qu'il m'avait remarqué parce que la pièce était réellement plutôt petite et il n'y avait personne d'autre dans le café. Dis-moi pourquoi je chante avec tant de sang-froid. Je sens mon cœur sourd, muet, muet, dépaysé autour d'une plaie laissée en gage d'amour. Venez à moi, messieurs, un, deux et trois, jouez-moi un tombeau. Jouez pour faire danser les couples deux par deux. J'entends le banjo qui entre dans le jeu et c'est le plus beau des temps. Laisse mon cœur se défaire sur cette air légendaire. Je danse avec mon ombre. Ferme ton emprise.